de la délégation étudiante de Liège. Mais enfin, monsieur, c'est pas juste. Nous, on est tous séparés. Eux, ils peuvent travailler ensemble, au moins par paire. Ok, d'accord, mais est-ce que vous allez devenir à un moment donné adulte, c'est-à-dire que quelque part, quand vous allez être embauché dans une entreprise, vous voyez que vous allez pouvoir emmener vos copains et vos copines avec vous. Allez, très honnêtement, vous allez être embauché, vous serez bien content déjà d'avoir un boulot, et vous allez vous retrouver avec des gens que vous ne connaissez pas. Et il va falloir même peut-être travailler avec des gens qui ne parlent même pas votre langue. À travailler en néerlandais avec des néerlandophones. Parce que malheureusement, dans l'agence de communication et dans les boîtes, aujourd'hui, c'est un rapport de 2/3, 1/3. 2/3 de néerlandophones pour 1/3 de francophones. On va encore tenter, je vais mettre ce message ce week-end sur le blog, je vais dire que la logique, l'intelligence naturelle voudrait que que les groupes de Liège qui sont à deux réfléchissent. Oui, je veux quand même écouter des étudiants de Liège, je vais quand même leur laisser la parole. Non, non, non. Ah, vous étirez, ça m'arrive aussi. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est fondamentalement vous mettre dans un contexte moins photopote, ami, habitude, etc. Oui. Moi, par rapport à l'offre, je découvre tout à fait aller à Parbon, on ne connaîtrait ni les gens de BLD, ni les gens de Liège, c'est comme ça que nous serions. Ok, mais donc ça veut dire que moi, je dois commencer à me farcir de faire un Excel d'enquête entre les 280 étudiants, composer des groupes aléatoirement. Il doit y avoir un logiciel. Je vais faire des groupes aléatoires, ok. De ce qui est à bien. Parce que vous croyez que ce qui est à bien, vous êtes d'une grande naïveté, mademoiselle. Vous croyez que ce qui est à bien. Déjà, les professeurs, ça appuie sur une touche et ça fait à la toile, c'est tout. Quand on sait pas, je vais partir. Quand il veut, au moment où je veux. Heure d'arrivée probable entre 8 et 9 heures, entre 9h et 9h30. Heure de départ probable entre 4h et 4h30. Autant de pause café et une pause de midi d'1h30. Ouais, c'est vrai. Et quand un étudiant vient un peu frapper à la porte, voilà qui vient. C'est leur vision du service. Ok. Bon, moi je veux bien. Hein. Si vous êtes tous d'accord ici, moi je fais. Je m'arrange lundi et je fais une fusion de fichiers et je fais de l'aléatoire. Non. Et je publie une liste aléatoire des groupes. Mais j'entends déjà des noms. Il faudra vous mettre d'accord, les amis. Hein. Ça, c'est mon acte d'autorité suprême. C'est le dernier acte que je peux faire. C'est prendre la décision que pour la fin du mois de novembre, au moment où je vais donner les conditions, je vais donner la liste des groupes. C'est ça que vous voulez ? Je le fais. Oui ? Comment ça se passera pour le premier travail ? C'est pas, c'est l'examen ici, hein, les exercices. C'est par groupe de 4 et il n'y a aucune spécificité que nous vous prend tel quel. Qu'est-ce que je fais? Je lance le concept que j'ai dit dans un premier temps, c'est-à-dire je mets un message sur le blog qui est adressé à tout le monde et je précise que maintenant j'ai reçu les listes et on est grosso modo dans un rapport, si je mets dans un côté les étudiants LIEX, plus les multilingues, plus les STIC, plus les touristes, etc. Et de l'autre côté, je mets tous les communes ULB, on est dans un rapport 1 pour 2, qui permet de faire des groupes de 3. On n'est pas tout à fait exact. On remplit, et puis pour les derniers qui répondent, j'accepterai une exception. Ça, c'est la dernière chose que je peux faire. Il n'y a pas qu'au vendredi prochain. Ça vous laisse 15 jours pour vous organiser. Si dans 15 jours, ça ne va pas, et j'ai des appels qui me disent « Non, monsieur, ça ne fonctionne pas », moi, c'est simple, je prends la dernière mesure, c'est-à-dire que je fixerai, dans mes conditions d'organisation de l'examen, je fixerai les cours. Aléatoirement, comme propose mademoiselle. Et alors, le problème, il est réglé. On peut fonctionner comme ça, ça vous semble raisonnable? Une dernière tentative de vous débrouiller entre vous? Et je m'engage ce week-end à publier ce que je viens de dire. Voilà. Y compris que si ça ne marche pas, c'est moi qui ferai les cours. Oui? profession. Hein. C'est pas si évident que ça. Vous êtes combien de vous? Ben, je vous dis, vous êtes 106 étudiants de billets. Hein, et j'ai une liste ici qui, de mémoire, parce que c'est dans mon Excel, mais j'ai une liste qui est à peu près à 170 et quelques, plus des étudiants de gestion de tourisme, où les demoiselles gentiment me disent qu'il doit y avoir 4, 5, 6 étudiants. Il y en a un qui est déjà dans ma liste ici. Donc, grosso modo, on doit atteindre les 180. Allez, je fais ça, je vais sur le blog, je vous laisse 15 jours, puisqu'il n'y a pas cours le vendredi prochain, je ne peux pas donner cours le 11 novembre. Hein, mais par contre, le jour de la Saint-V, il y a bien cours et il y a exercice en plus. Donc on réglera ça. Et c'est Aliex, je tiens à préciser, évidemment, le cours du 18, c'est Aliex. Ça va ? Je vais aussi en profiter pour mettre ça dans le message sur le blog. Oui, monsieur. Et concernant les visites de copies de nos examens qu'on a déjà passés avec monsieur Deblam. Alors ça, vous voyez que monsieur Deblam, il a un email et il a un numéro de téléphone. Parce que vous avez dit la dernière fois que vous l'annoncerez pour cette heure. Oui, mais il ne m'a pas communiqué, donc je ne sais pas. Donc voyez avec lui en direct si vous voulez bien. Mais il est très ouvert pour ça. D'autres questions? Ok. Alors je vous invite en tant qu'étudiant en communication. Je ne sais pas si c'était dans vos plans, mais je vous invite mardi prochain à aller vous coucher tôt et de vous réveiller à 3h, 4h du matin et de suivre en direct les résultats sur les émissions de télévision américaine. Non, mais ça risque d'être très, très, très, très intéressant et très, très, très, très, très juste. Ça va être scare, comme on dit à Bruxelles. Donc, c'est assez intéressant de suivre ce genre de choses. Et très honnêtement, je ne suis pas un grand professeur, je suis quand même sociologue de formation. J'ai vécu et j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Je connais, j'y étais cet été. J'y ai retrouvé les quatre copains de fac. Je crains que si ça bascule du mauvais côté, enfin, j'espère que vous considérez comme moi que le mauvais côté est notre ami Trump. Je crains malheureusement que ça ne va pas être pour eux. Et qu'on va vivre des années qui ne vont pas être pour eux. Ni pour les Américains, ni pour le monde et l'équilibre mondial. Parce que s'il y en a un qui va se frotter les mains, mais moi, j'ai trop dit, ça, juste pour c'est le monsieur qui est au Kremlin. Parce que lui, il aura, lui, il est vachement plus intelligent que l'autre. L'autre, il a des dollars, mais Poutine, il a l'intelligence et la magouille. Et nous, on est au milieu, et ça pèse très lourd. Notre démocratie un peu molle. Voilà. Donc, ceci pour plomber l'ambiance, hein, mais... Non, mais je sais que vous êtes sensible, parce que pour moi, j'ai des jeunes collègues, et on discutait avec des jeunes collègues engagés à midi au bureau, et j'avais trois parmi les collègues qui avaient quasiment les larmes à l'œil en s'imaginant ce qui pourrait se passer. Moi aussi, je crois que je vais pleurer. Là, si c'est lui qui passe... Parce que je peux vous dire que il y en a un qui a des dollars et l'autre qui a des couilles. Franchement, plus grosse que celui qui a les dollars. Et quand elle prendra les autorités américaines en main et le pays en main, elle le tiendra. Et notre ami du Kremlin aura un adversaire en face de lui, un vrai adversaire. Tandis. On discutera ça après. Moi, je discute sur les principes de rapport généraux de force, mais on verra. De toute façon, chacun a le droit. On est en démocratie. Mais bon. Chacun a le droit. Je vous invite. Mais allez, en tant que communicateur, c'est très intéressant de s'intéresser. C'est très intéressant de savoir dans quelle société on vit, quel est le contexte, comment évoluent les sociétés, quels sont les courants des politiques. C'est beaucoup plus intéressant que de s'intéresser à savoir si Abercrombie & Fitch utilise tel type de parfum en technique de marketing ou telle musique de fond, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà. Et les techniques de communication, sondages. Bon, voilà, les médias nous communiquent énormément d'informations sur les sondages. Ce qu'on oublie de vous ajouter avec les sondages, c'est que les sondages se font sur un historique d'élections américaines qui n'a jamais été celui qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a fondamentalement ? C'est que jamais dans l'histoire, aussi loin qu'on peut remonter quand on a fait des sondages, jamais on a eu une situation où les républicains, une masse de républicains ne savent pas et ne veulent pas voter pour Trump et vont probablement voter pour Hillary. Une masse de gens démocrates déçus de ce qui s'est passé, notamment la population blanche, pauvre, etc., va probablement voter Trump par déception, un peu comme on voit ici que l'électorat des Trump-Trump est un électorat qui va se chercher sur la gauche du Parti Socialiste dans notre pays. Dans d'autres pays, il y a, en France par exemple, dans notre pays, heureusement, l'électorat de gauche va plus à gauche. Ok ? Bon, voilà. Et donc tout ça n'existe pas dans les fondements des études. Donc les études qui font référence aux histoires sur les votes et sur les rapports se font sur un contexte qui est tout à fait flou. On ne sait pas combien il va y avoir d'abstention, on ne sait pas qui va s'abstenir, on ne sait pas par exemple sur les gens qui ont toujours voté républicain, on ne sait pas combien il va y avoir de gens qui ne vont pas voter, combien vont reporter leur voix sur Hillary et combien vont quand même voter pour Trump. On n'a rien, on n'a aucune référence sur les gens qui habituellement votent. On ne sait rien, par exemple, sur la population noire qui a voté massivement lors des dernières élections. On ne sait pas comment elle va se positionner. Donc, il y a tellement d'inconnus que les sondages, moi, je m'en méfie comme de la presse. Et en plus, on ne sait rien, puisqu'on est à peu près convaincu qu'il va y avoir probablement de l'ordre de 10 à 15% de gens qui n'ont jamais voté depuis 30, 40 ans, qui vont voter pour la première fois, et on est à peu près sûr que ceux-là, ils vont voter pour Trump. Donc vous imaginez le nombre de points d'interrogation. Moi, je serai responsable de l'Institut de sondage, je serai vraiment inquiet, et je me poserai les questions. Bon, voilà, ça c'est la situation. Et donc c'est pour ça que je crois que c'est très intéressant de comprendre et de voir comment ça fonctionne, de plus que pour votre culture générale, d'une manière globale. Revenons à ce que nous avions évoqué lors de la session précédente. On a parlé de communication interne, on a dit que la communication interne était quelque chose évidemment éminemment important, on a dit que la communication interne, elle touche les cibles internes, on a essayé de voir ensemble que représentent ces cibles internes. Sont les travailleurs, les acteurs internes de l'organisation. Et on a essayé notamment aussi de voir qu'il y avait des formes que, essentiellement, la communication habituelle dans les organisations, la communication de base, c'est celle qu'on appelle la communication hiérarchique, c'est celle où l'employeur, les responsables de l'organisation, communiquent avec leur organisation de différentes manières. Mais c'est toujours d'en haut vers le bas. Ça, c'est la communication de base. Le chef donne ses instructions. La hiérarchie, les dirigeants donnent leurs instructions. C'est la communication top-down qui peut prendre de multiples formes. Ça peut être simplement le sommet de l'organisation émet un message ou des messages et les diffuse de manière standard à l'ensemble des publics internes. Ça peut être la deuxième forme qui consiste à passer par les différentes étapes de la ligne hiérarchique dans une organisation. Dans une organisation, plus elle est grande, plus vous avez des couches hiérarchiques. Et donc, le principe, c'est que on demande le plus haut niveau va communiquer à ses direct reports, comme on dit, donc, c'est-à-dire les personnes qui dépendent directement de la personne, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas dans l'organisation. Le problème dans ce jeu-là, vous l'avez évoqué, c'est que la transmission d'informations, c'est autant d'opportunités pour créer une distorsion dans le message. Des distorsions volontaires et des distorsions involontaires. Des distorsions conscientes et des distorsions inconscientes. À partir du moment où les messages sont sans arrêt véhiculés de niveau hiérarchique en niveau hiérarchique dans l'organisation, chacun reprend le message qu'il a reçu et le représente pour le niveau inférieur au sien. Dans ce jeu-là, vous allez avoir des distorsions. Quand je dis distorsion volontaire ou involontaire, volontaire, ça voudrait dire que donc quelqu'un dit « je ne vais pas tout dire ». parce que le message qu'on me demande de descendre à mes collaborateurs en dessous m'embarrasse, me gêne, me met en position de difficulté vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc je vais peut-être faire une espèce de filtre, si vous voulez, et je ne vais laisser passer vers le niveau inférieur que les messages qui ne me mettent pas en difficulté. Donc ça, c'est l'acte volontaire. Le communicateur, celui qui a reçu le message mais qui doit le relayer vers le bas, joue un rôle de filtre. Parce qu'il doit retraduire l'information. Là, c'est un acte volontaire. Un exemple d'acte involontaire, bah, c'est-à-dire que involontaire, il n'a pas bien compris l'information. Il a su un message, mais il n'a pas bien compris le message. Et par amour propre, il ne signale pas à ses hiérarchies, il ne pose pas les questions pour lesquelles il n'a pas bien compris l'information. Et donc, comme il ne l'a pas bien compris, il la diffuse telle qu'il croit l'avoir compris, avec des erreurs, et les erreurs risquent de se répercuter. Donc, faute volontaire, faute involontaire. Faute consciente, faute inconsciente. Conscient, c'est quasiment comme le volontaire. J'ai pris la décision de modifier. Inconscient, il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, presque inconsciemment, si vous voulez, vont filtrer l'information. Donc, il n'y a pas de volonté de retenir certains éléments d'information ou de la transformer ou de la tordre, il y a simplement que l'individu en tant que tel modifie l'information. Nous savons tous que quand une information passe au travers d'une personne, il y a des modifications. Dans toutes les relations humaines, on a tous vécu des problèmes de quiproquo, de malentendus, de choses qui ont mal été exprimées. Dans les relations tout bêtement humaines, ça se passe comme ça. Bien, dans les organisations, si on estime et le canal le plus traditionnel, c'est de faire passer l'information par la ligne hiérarchique du sommet vers tout en bas dans l'organisation, on a des risques de distorsion d'information, avec des problèmes de malentendus. Comment, à votre avis, peut-on résoudre ces problèmes de distorsion dans une grande organisation? Alors, ça c'est déjà une bonne chose. Donc, vous vous souvenez qu'on avait abordé le fait que l'information peut être écrite, orale, audiovisuelle. Donc, effectivement, c'est en donnant des outils écrits, qui sont le plus souvent des outils écrits ou audiovisuels. On donne à celui qui est censé faire passer l'information parce qu'il l'a reçue d'en haut, mais qui doit la faire passer vers le niveau hiérarchique en dessous de lui, on lui donne des outils. Alors, les outils, c'est quoi? Ça peut être une note qui résume l'information, ça peut être un article, ça peut être un PowerPoint, ça peut être une multitude d'options, ça peut être une information postée sur un intranet et on donne le lien à la personne. Donc, il y a une multitude d'outils qui permettent de couler l'information de manière stable sous forme écrite. C'est ce qu'on avait dit, l'avantage de l'écrit, c'est qu'il est là, il est vérifiable, il est stable, et lui, il se distord. Il n'est pas distordu, c'est-à-dire que si le document passe de main en main, il ne sort pas, logiquement, le document, l'information est transmise correctement, puisqu'il y a toujours cette espèce de fondement de base. Puisqu'on a dit que l'information essentiellement orale pouvait être distordue. Ça, c'est donc, c'est produire des outils, et ça, c'est le rôle, souvent, des structures de communication interne dans les grandes organisations. C'est de préparer l'information et de la fournir sous forme de matériel disponible aux communicateurs pour la faire descendre dans l'organisation. Et donc, aujourd'hui, les techniques, par exemple, c'est très clairement, notamment, c'est des intranets, c'est des messages, là où il y a des réseaux sociaux, au travers des réseaux sociaux, c'est éventuellement des petites vidéos, on est vraiment à l'ère des 87 secondes, donc c'est des audiovisuels, des messages audiovisuels qui sont reproduits et qui sont utilisés par les niveaux hiérarchiques. Parce que jusque-là, je vois bien pour vous, c'est clair, ça me semble logique, ou vous avez des remarques. Non? Ok. Donc, on a une communication descendant avec des outils et la manière de contrebalancer, de ne pas se faire simplement confiance à la transmission orale par les réunions d'équipe et autres de chaque hiérarchie via les subalternes, c'est effectivement de mettre à disposition de ces hiérarchies les documents. Ce n'est pas nécessairement toujours la bonne solution, parce qu'éventuellement, lorsqu'on est dans des très grands groupes, dans des très grandes structures, ben, la hiérarchie peut retirer le document, peut le modifier, le reproduire, l'adapter. On est dans l'acte volontaire. Donc, clairement, ce que moi je conseille souvent, c'est de prévoir, à côté de la ligne hiérarchique, de prévoir des canaux de communication top-down, donc de l'entreprise, de l'organisation vers l'ensemble des travailleurs. Et là, on a une série d'outils qui sont des outils de communication interne collective. Journal d'entreprise, le plus classique. On a les intranets, donc un internet, si vous voulez, mais réservé aux acteurs internes. Et puis vous rajoutez à ça toutes les formules possibles de déclinaison de la mise à disposition d'informations, renvoi d'un courrier aux gens. Il y a une manière d'asseoir le message. Par exemple, dans un plan de licenciement du type Caterpillar, par exemple, il semblerait logique, si vous voulez, que l'organisation confirme l'information qui est donnée par l'envoi d'un courrier à domicile. La com interne aussi, c'est asseoir dans l'écrit, dans le document, de formaliser donc les choses. Après, va être la question de savoir par quel canal je fais parvenir cet écrit. Et là, vous avez différents canaux. Vous pouvez choisir de distribuer en interne, mais distribuer en interne, vous n'avez pas nécessairement toujours la maîtrise sur la manière avec laquelle les choses vont être distribuées et le moment où ça va être distribué. Vous n'avez pas non plus la garantie que parce que vous avez distribué, les travailleurs auront lu le message que vous avez distribué. Alors, il y a par exemple des stratégies qui consistent à dire: qu'est-ce que je distribue via les canaux internes? Qu'est-ce que je distribue, par exemple, au domicile? Curieusement, sachez que dans les organisations, les grandes structures, quand je parle de grandes structures, je pense que c'est aussi bien pour une structure comme l'université de quelques milliers de personnes que pour une structure de quelques centaines de milliers de personnes, voire même une structure de 500 personnes. Qu'est-ce qui est intéressant quand on envoie, à votre avis, l'information au domicile du travailleur? Quels sont les atouts, à votre avis, de pouvoir diffuser l'information, je dirais, par le canal du domicile? Que quelqu'un ait une petite idée, plutôt que de distribuer au sein de l'organisation. Là, vous avez plus ou moins raison, mais vous avez une confiance formidable dans les services postaux, ce qui toujours n'est plus aussi stable aujourd'hui, et puis parfois ça met du temps. Mais par contre, principe que vous avez raison, que vous pouvez appliquer, oui. C'est déjà plus personnel de recevoir quelque chose chez soi à la maison. Il y a une espèce de solennité. De formalité qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Monsieur ou madame, choisissez. Mademoiselle, alors il est galant, c'est bien. Le contexte dans lequel le lecteur, le dessinateur va lire, va être différent et ça peut parfois éviter des situations d'agitation. Alors, c'était ça que vous voulez dire? Vous voulez parler de l'effet de masse quand on était dans l'entreprise? Voilà. Alors, effectivement, lorsque vous écrivez au travailleur, vous vous adressez à lui. Et si vous l'écrivez à la maison, vous vous adressez à lui chez lui. C'est une unité à ce moment-là. Il est lui. Bien sûr, il peut être vite contacté par d'autres, le syndicat peut envoyer un contre-message, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas d'effet d'entraînement, il n'y a pas d'effet de meute, il n'y a pas d'effet de groupe, de masse, d'emballement. Le travailleur reçoit chez lui dans un contexte où il est, en principe, plus serein que dans son contexte professionnel. Où là, il a ses collègues, il a le syndicat, il a la pression du patron, il a la pression de la hiérarchie, la pression du groupe en général. Donc ça, c'est un élément de plus. Parce que c'est clair pour tout le monde. Si ce genre d'explication ne passe pas, posez la question. Non, monsieur, je ne comprends pas pourquoi, et on essaie d'y répondre. Ça vous semble clair? est logique. Ok. Autre argument qui fait que ça peut être intéressant, oui. Oui, c'est un peu ce que disait, c'est le caractère solennel. Ok. Mais chose d'autre, plus fort. Petite idée. Parce que ne pensez pas toujours des lettres graves, style information par rapport à un licenciement. En fait, par exemple, de distribuer le journal d'entreprise périodique à la maison plutôt que de l'envoyer le distribuer au bureau. S'il vous plaît. Ils ont plus de temps et plus de recul, oui, vous avez raison. On n'est pas loin, on commence à s'approcher. Mais... Oui, mademoiselle. On touche plus de personnes. On touche plus de personnes. Explique-toi. Voilà. Voilà. L'individu, en principe, sauf si c'est un célibataire en Russie, ou une célibataire en Russie, ou un ancien marié divorcé qui se retrouve tout seul, ou une ancienne mariée, enfin peu importe, on a compris, hein, mais quelque part, dans l'environnement familial, on se retrouve dans une communauté familiale où il y a femme, enfant, toute une série de relations. Le journal d'entreprise, le magazine de l'entreprise, la lettre importante, les choses intéressantes, ça va, il va lire et ça va rester, ça va se trouver sur la table, ça va être vu, ça peut être vu par les autres membres de la famille. Il n'y a rien à faire pour vous rendre compte que quelque part dans la vie professionnelle, à un moment donné, quand on a une vie professionnelle pleine, on passe presque, je dirais, plus de temps actif dans le contexte professionnel que dans le contexte privé. Et donc, on partage avec ses proches de sa vie privée ce qui se passe dans le contexte professionnel. Et donc, si quelque part on peut mettre un visage, on peut illustrer par une photo, par un schéma, par un contenu, on peut aider le travailleur à mieux illustrer auprès de la famille, et la famille peut voir combien sont le partenaire, le papa, la maman, mais elle est dans cette entreprise, voilà comment ça fonctionne. Il y a une espèce d'identification et de partage qui fait que cette information va être apportée dans un contexte qui est quand même différent que de recevoir simplement un document à la maison. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous voyez que chaque détail dans la manière de communiquer avec un public interne est important. On va définir qui transmet l'information. On va définir comment on va transmettre l'information, par écrit, par oral. Est-ce qu'on va la faire en doublon, c'est-à-dire oral plus écrit, l'oral par la ligne hiérarchique, l'écrit en confirmation, l'oral par la ligne hiérarchique supporté par un des supports papier ou des supports de présentation de visuel. On peut également se poser des questions sur par où je vais diffuser l'information. Je l'envoie à la maison, je l'envoie au bureau. Je peux aussi la distribuer en réunion d'équipe. Bref, ce sont autant d'éléments très importants dans une stratégie de communication. Parce que chaque organisation a sa culture, chaque organisation a sa manière de fonctionner. Et c'est là que ça me permet d'aborder évidemment le problème de la culture. On a la chance ici d'avoir dans l'auditoire des étudiants de l'IEX et des étudiants du LPA. Bien, la culture de l'IEX et la culture de l'ULB, l'approche que les étudiants ont par rapport à leur structure dans ces deux organisations-là est distincte, très clairement. L'IEX est une structure plus petite où on se retrouve entre étudiants du même domaine, on est dans les mêmes bâtiments, on a une structure. Il y a une culture IEX qui n'est pas la culture ULB. L'ULB, on est dispersé sur un campus avec des étudiants de plein d'autres études, mais on est hyper mélangé. L'organisation génère une culture différente. On l'a assez évoqué depuis le début d'année, l'incompétence et la pauvreté de l'organisation administrative de l'ULB, avec de l'autre côté une structure beaucoup plus organisée et formelle côté IEX. Même si je sais que les étudiants disent, monsieur, ce n'est plus du tout comme c'était avant, on est beaucoup plus nombreux, on n'a plus les mêmes enfants. appartement, et ça a plutôt tendance à devenir comme un ULB que comme c'était. Ok, mais voilà, une organisation n'est pas une autre. Une organisation a son contexte, une autre a un autre contexte. Donc la culture de chaque organisation va aussi être déterminante. Et le choix de choisir, je diffuse une information à l'intérieur par une certaine manière, en utilisant un certain type de support, et en adressant un message à certains endroits et en le diffusant d'une certaine manière, eh bien, c'est une stratégie qui est adaptée au contexte de l'organisation, à la culture de l'organisation. Dans le secteur, par exemple, des supermarchés, en grande Colreuil, on pourrait prendre Carrefour, on pourrait prendre Deleuze. Prenons Deleuze, parce que j'ai l'habitude de prendre Colreuil d'habitude. Prenons Deleuze. On peut s'imaginer évidemment que chez Deleuze, il y a des travailleurs de types très différents. Il y a d'abord tous les travailleurs de chez Deleuze qui travaillent dans les supermarchés. Les supermarchés sont répartis, je ne sais pas combien il y en a de supermarchés chez Deleuze au niveau du pays, mais ils sont répartis un peu partout dans le pays. Et je peux m'imaginer que si je m'adresse aux 50 travailleurs d'un petit Deleuze au fin fond de la Flandre occidentale, c'est pas la même chose que si je m'adresse aux travailleurs du siège social de Deleuze, à Molenbeek, rue Haussegem. Et c'est encore différent des grands entrepôts de stockage et de gestion du stock qui se trouvent, eux, à Haussegem. Donc, vous voyez qu'on a des types de travailleurs. On a les chauffeurs de camions de Deleuze. C'est encore un autre profil. On a les travailleurs de Deleuze qui se déplacent et qui vont faire de l'entretien ou de l'organisation. Donc on a des profils d'organisation totalement différents. Et c'est clair que le petit groupe du personnel d'un Deleuze au fin fond de la province de Luxembourg forme probablement un ensemble qui véhicule une série de valeurs de la culture Deleuze globale. Mais comme c'est une petite entité relativement isolée avec une hiérarchie, un directeur de magasin, ils ont leur culture globale qui vient se greffer au-dessus de la culture de l'être. Si vous prenez par exemple dans les grandes organisations, vous demandez aux travailleurs de se positionner, vous allez avoir selon les cultures des positionnements très différents. Si vous demandez par exemple à l'époque, quand je travaillais dans les années 90 chez Electrabel, quand on demandait à un travailleur de la centrale nucléaire de Doubs, de la centrale nucléaire de Tian, on lui demandait quel est votre employeur, eh bien, dans les centrales nucléaires, que ce soit à Doubs, à Anvers ou à Tian, entre Liège et Andenne, les travailleurs se disaient je suis technicien, je suis radiologue, je suis électricien, je suis ingénieur. De quoi ? Je suis ingénieur de la centrale de Doubs. Je suis ingénieur de la centrale de Tian. Bien avant de dire Electrabel. Vous alliez dans une petite centrale au charbon à Beaudour, dans le Hainaut, près de la frontière française, les travailleurs se positionnaient très clairement, je suis la centrale de Beaudour. Et seulement après, ils sont Electrabel. Donc, le travailleur dans une organisation a un lien à cette organisation qui peut composer différents niveaux. Et donc il faut prendre en compte ces éléments-là dans toute stratégie de communication, surtout quand on est en communication interne. Vous n'avez pas là le droit à l'erreur. Quand on fait de la com externe, on s'intéresse en communication externe soit à des cibles très précises, et là on est dans la communication marketing publicitaire, on précise des segments très précis clients. Et on sait qu'on s'adresse à un profil de client bien déterminé. Mais on ne sait pas qui ils sont. Mais on sait quand même qu'on essaye de s'identifier à un certain profil de client. Hein? Si je vends des baignoires qui s'ouvrent avec une porte, vous savez, hein? Est-ce que je vais essayer de vendre des baignoires avec une porte à des jeunes de votre âge? À qui je cible ce genre de baignoire? À des gens qui, comme moi, bientôt seront à la pension et auront des difficultés pour enjamber la baignoire. Et donc auront plus facile d'avoir une baignoire ou une douche avec une chaise pour s'asseoir, c'est plutôt pour les vieux que pour les jeunes, hein? D'accord. Bon, si j'ai mon segment qui est bien précis, bien, je vais essayer de cibler ce segment là et je sais que je m'adresse à des vieux qui répondent à un profil bien précis, et puis je je vais essayer aussi de cibler la classe sociale, etc. Si par contre je m'exprime à tous les clients d'une manière générale et que je n'ai pas de segment bien précis et que j'ai un produit très grand public qui touche, exemple Nutella, ça touche aussi bien des petits que des adultes, hein. Réfléchissez autour de vous, moi je ne rencontre que des gens de tous âges, depuis des grands-parents de 70 ans en plus jusqu'à des petits jeunes qui Nutella, non seulement on le tartine, mais de temps en temps on prend une cuillère dans le pot et on le mange à la cuillère. Bon, voilà les comportements qui sont les mêmes intra-génération et voilà un produit. Mais Nutella, c'est très bien, son produit, il est intra-génération, il s'adresse à un public très large. Donc il va concevoir une communication la plus générale. Dans une organisation, quand on communique à l'intérieur d'une organisation, on n'a pas le droit à faire de l'approximatif et du général. On a un public qui est tellement bien identifié, on connaît son nom, on connaît son adresse, on sait s'adresser à lui, on sait à la limite s'il a des enfants, pas des enfants. On sait s'il est marié ou pas marié. Quand on est à la communication interne d'une organisation, on a énormément d'informations sur le personnel de l'organisation. Donc je sais comment je vais pouvoir cibler ma communication et adapter ma communication à la culture, aux spécificités de mon personnel. Et donc, je vous dis, ce n'est pas la même chose de s'adresser aux gens qui sont dans une usine où il y a 1000, chez Caterpillar, il y avait 2500 personnes qui travaillaient sur le même site de dossier tous les jours. Pas tous les jours. Pas tous les jours, parce qu'ils travaillaient à pause. Donc, il y avait des gens qui faisaient la nuit, des gens qui faisaient l'après-midi, des gens qui faisaient le matin. Et puis, il y avait des gens qui faisaient que la partie administrative, donc, ils travaillaient sur base d'un modèle plus traditionnel, c'est-à-dire 8 heures. 17 heures. Mais on a quand même des profils. Et donc, on sait spécifier. On a des catégories de travailleurs, on sait s'adresser aux gens. On connaît même à la limite leur fonction, leur diplôme. On connaît leur langue, on connaît leur niveau intellectuel, on connaît leur âge. Donc aujourd'hui, en comme interne, on a une capacité de pouvoir sélectionner le discours et de le cibler par rapport à son public qui est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, les moyens informatiques qui existent, on est capable vraiment d'aller très loin dans le ciblage et dans l'adaptation des contenus. Donc, toute stratégie de communication, quelle que ce soit une situation grave, une annonce d'un plan de fermeture d'usine, ou que ce soit des informations beaucoup plus agréables et positives, on sait faire de l'information et la cibler avec une précision extraordinaire. Donc, on est très clairement dans une situation où, quand on veut, en tant qu'organisation, faire passer un message dans l'organisation, eh bien, on a des canaux, des supports, des techniques, et on peut hyper cibler l'information. Est-ce qu'il faut toujours cibler jusque dans le moindre détail? Ça, c'est à vous, à voir, en fonction du contexte, en fonction du message à faire passer. Exemple, si je vois, prenons Deleuze, et imaginons que Deleuze propose à ses travailleurs un plan qui leur permette, puisque l'épargne est plus rentable aujourd'hui, qui propose aux travailleurs qui le souhaitent, sur base volontaire, un plan d'acquisition de parts, d'acheter des actions du groupe Deleuze, avec un tarif favorable. Est-ce que je vais avoir exactement la même information pour tous les travailleurs de l'entreprise? Vous posez la question. À un moment donné, est-ce que je vais donner la même information? Logiquement, je dois donner le même contenu. Est-ce que je vais présenter exactement de la même manière? Pourquoi je dois donner le même contenu? Parce que je m'adresse à tout le personnel et que l'information, c'est que tous, s'ils veulent devenir actionnaires, ça doit être la même chose. Sauf que peut-être l'employeur va dire, je vais proposer telle condition à mes ouvriers, telle condition à mes employés et telle condition à mes cadres. Là, évidemment, l'employeur offre un service à son personnel et un service à géométrie variable. Dans ce cas-là, évidemment, je ne publie pas une information à tous les travailleurs en disant si vous êtes ouvrier, voilà les conditions pour obtenir, si vous êtes employé, voilà les conditions, si vous êtes cadre, voilà, et si vous êtes directeur, vous recevez carrément les stock options, etc. Donc, on ne fait pas ça. On adapte évidemment en fonction. Si l'information, que l'entreprise apporte à son travailleur diffère selon les statuts que l'on a dans l'organisation, on diffuse une information adaptée à chaque public. Si par contre, c'est les mêmes conditions pour tout le monde, je peux communiquer à tout le monde. Sauf que je peux me dire aussi, vous vous souvenez que l'un des éléments importants dans la communication, c'est de se poser quelle est la complexité de l'information par rapport au public auquel je m'adresse. L'adéquation entre la complexité du message et le public auquel je m'adresse. Si le message est complexe, et aujourd'hui par exemple en matière de fiscalité, de salaire, de sursalaire et autres, ça devient de plus en plus complexe et compliqué, avec l'âge de la pension et toutes les autres choses, c'est parfois assez compliqué. Si on veut que l'information passe bien, plus simplement contenter de délivrer l'information en vrac, et puis comprendra qui comprendra. Il y a les organisations comme ça. Chez moi, par exemple, dans mon entreprise, ma collègue aux ressources humaines, elle prépare l'information, elle part du principe que depuis le directeur général à la madame qui s'occupe de la vaisselle au réfectoire, c'est la même aptitude à comprendre toutes les informations délivrées. Moi, c'est clair que je prends l'information avec mon équipe et qu'on la retravaille selon les publics auxquels on va s'adresser. On adapte les choses qui sont assez complexes, on essaye de les traduire, de les présenter, d'ajouter des exemples, d'ajouter des illustrations pour permettre aux gens de comprendre. Parce que si je regardais ma collègue des ressources humaines, elle délivre l'information quasiment en disant selon l'article de loi tel, vu le contexte des prélèvements, ceci, vu quasiment comme un texte de juge, quoi, hein, incompréhensible pour le commun des mortels. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir effectivement des gens qui ont un certain niveau de formation qui vont plus, qui vont comprendre, qui vont capter l'information et en bas ils ne vont pas comprendre. Donc il faut pouvoir adapter l'information selon les niveaux auxquels on s'adresse. Alors, une fois qu'on a choisi et qu'on a pensé, c'est qu'on a défini qui va communiquer, à qui on va communiquer. Qu'est-ce qu'on va communiquer? La grande question qu'il faut toujours se dire en termes de stratégie de communication, c'est qu'est-ce qu'on me demande en tant que communicateur? Qu'est-ce que je dois faire passer comme message? Et est-ce que le message qu'on me demande, est-ce que c'est celui qui souhaite faire passer un message qui décide à qui on s'adresse? Non, le communicateur dans une organisation est celui qui fait autorité pour décider comment je communique quoi à qui. Si le communicateur dans une organisation se borne à être simplement un délivreur, c'est-à-dire qu'il soit une information d'une entité d'organisation, prend l'information telle qu'elle et la diffuse dans l'organisation, c'est un métier, ça existe. Je connais des communicateurs dans des organisations qui fonctionnent comme ça. Le problème, c'est que on risque d'avoir côte à côte des informations qui n'ont pas le même poids et la même valeur. Et c'est ce qui conduit le plus souvent à ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire trop d'informations. Parce qu'on part du principe que, un service, par exemple le service informatique a décidé que, on va prendre l'information que le service informatique nous donne et on va la diffuser dans l'entreprise à tout le monde, y compris, par exemple, aux deux tiers ou au tiers de personnel qui n'a pas d'ordinateur, n'a pas d'adresse mail, etc. Donc on va diffuser l'information, je ne sais pas comment, on va leur imprimer, leur donner. Est-ce que ça les intéresse? Non, ils n'ont pas d'informatique, ils n'ont pas d'ordinateur, ça ne sert à rien de noyer les gens avec de la communication inutile. Donc, première chose qu'il faut bien voir, quand un service communication est au service des autres entités dans l'organisation. La communication, c'est une fonction support dans les organisations. Est-ce que vous faites la nuance entre fonction support et fonction business? Est-ce que je vous ai déjà expliqué cet aspect-là? Non? Alors, est-ce que quelqu'un voit la différence entre une fonction business et une fonction support? Une idée? Oui? Un petit peu? Mais il n'y a pas de bêtises, il y a... Non. Même moi j'apprends encore aujourd'hui et je lève la main parfois pour poser des questions dans mon entreprise. Donc il ne faut pas avoir honte. C'est pas mal comme explication. Donc tout ce qui est business, c'est le cœur du métier. C'est ce qu'on appelle le core business. c'est le métier de base. Si je suis chez Deleuze, c'est quoi le métier de base chez Deleuze? C'est faire de la grande distribution. C'est vendre des produits alimentaires de masse dans des grandes surfaces. Voilà. Ça, c'est le core business. Est-ce que la gestion des ressources humaines au sein de Deleuze, c'est un core business? Est-ce que la gestion de l'informatique au sein de Deleuze, c'est un core business? Est-ce que les affaires juridiques au sein de Deleuze, c'est un core business? Non. Effectivement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont les fonctions à côté. C'est des fonctions non essentielles au fonctionnement de l'organisation. Et donc, c'est ce qu'on appelle toutes les fonctions support. Qu'est-ce qu'on retrouve en général dans le support? Bien sûr, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel. On retrouve le juridique, la communication, la finance, la logistique qui fait que ça tourne, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des moyens de manger, qu'on répond aux obligations, qu'il y a un service médical, etc. C'est tout ce qui est autour de l'organisation. Même si ça fait aujourd'hui partie intégrante des organisations, ce n'est pas l'essentiel de l'activité. Et la plus souvent, ce que vous pouvez vous dire, c'est que les fonctions support, c'est des fonctions qui peuvent être le plus souvent externalisées, c'est-à-dire réalisées à l'extérieur de l'organisation. Par exemple, la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est très vaste. C'est payer le salaire des travailleurs, c'est répondre à toutes les obligations du statut d'employeur, c'est payer le salaire, bien entendu, c'est également embaucher les travailleurs, c'est gérer la carrière des travailleurs de l'organisation. Ça, c'est en gros, en résumé, offrir les formations aux travailleurs pour qu'ils puissent évoluer. C'est vraiment, c'est gérer la carrière des travailleurs, c'est depuis le moment où on les embauche, au moment où on les licencie, où on les met à la pension, on les fait évoluer dans leur carrière. Et donc, c'est tout ce qui tourne autour de faire fonctionner le travailleur dans l'organisation. Mais dans tous ces métiers des ressources humaines, ils peuvent être sous-traités. Et dans beaucoup d'organisations, c'est sous-traité. Par exemple, tout ce qui est la gestion de la fiche de paie, le suivi, l'envoi de la paie, la gestion des congés, toutes les applications informatiques qui permettent de faire ça sont aujourd'hui offertes par des sociétés à des autres entreprises. Vous avez peut-être déjà entendu à la télévision, à la radio, vous avez peut-être vu dans les magazines des publicités pour des sociétés qui font ce genre de support de gestion de ressources humaines, etc. Si quelqu'un connaît le nom, il y en a deux ou trois en Belgique, il y en a une qui a vraiment un pignon sur rue. SD Works, par exemple, voilà, c'est la plus grosse, la plus connue dont on parle le plus souvent. SD Works, c'est une des sociétés qui offre la gestion, une partie de la gestion des ressources humaines. Il y a des sociétés qui offrent, par exemple, tout le recrutement. L'entreprise a besoin d'un plombier, elle a besoin d'un soudeur, elle a besoin d'un dessinateur industriel sur application informatique, machin truc, tout bazar, elle a besoin d'un développeur IT, elle a besoin d'un juriste. L'entreprise exprime son besoin, elle le sous-traite à une société extérieure qui va faire recrutement. Alors, dans les sociétés de recrutement, ça va depuis les sociétés qui donnent des travailleurs temporaires, des sociétés d'intérim, jusqu'aux travailleurs, aux sociétés qui font l'embauche et gèrent la sélection et font les propositions pour l'entreprise. Et ça va jusqu'à un niveau, quand il faut même engager le directeur ou le patron, c'est ce qu'on appelle les fameux chasseurs de tête. Dans ce cas-là, c'est plus je cherche trois caissières, etc. Non, je cherche un directeur général ou un directeur financier et on demande à une société beaucoup plus spécialisée, d'aller chercher quelqu'un qui a déjà une expérience et de le débaucher dans une autre entreprise. Je peux aller sur le marché d'emploi, mais je peux aller débaucher. Parce que quelque part, quand on cherche un directeur financier ou un patron, on va rarement recruter un patron ou un directeur financier en mettant une annonce dans le journal, simplement, et en regardant ce qui est sur le marché de l'emploi et en disant, il y a peut-être un patron chômeur qui va mettre. En général, un patron qui est chômeur, ça a plutôt mauvaise réputation. Donc, on va plutôt débaucher. C'est-à-dire qu'on va aller proposer de l'emploi, etc. Donc, tous les métiers support, ce sont les métiers qui sont autour, pas essentiels dans l'organisation, Et donc, voilà, tous ces métiers supports sont des gros demandeurs d'informations dans l'organisation. Le service ressources humaines demande de faire beaucoup de communication à l'intérieur de l'organisation. Le service qui est en charge de la sécurité et de la protection au travail, pour les travailleurs, est un service qui est demandeur de beaucoup de choses. Le service de logistique et d'organisation dans une entreprise est un service qui est demandeur de beaucoup de choses. Imaginons une entreprise qui a des travailleurs qui partent tous les jours avec leur camionnette, etc., et vous gérez le parc de véhicules, etc. À certains moments, il y a des informations à communiquer à qui ? Mais uniquement à ceux qui conduisent des camionnettes et des véhicules de l'entreprise. Donc, tous les services supports, le service financier, le service... Il y a une multitude d'unités dans les organisations qui doivent communiquer à l'intérieur de l'organisation. Si je prends ici à l'ULB, j'ai énormément de services qui doivent communiquer vers d'autres entités dans l'organisation, qui est l'université. Et donc, là-dessus, vous devez, vous, communicateur interne, on va vous demander. On va vous dire, tiens, il faut communiquer. Alors, il y a la première manière qui est la plus simple. C'est celle que je ne fatigue pas. On me dit que je dois communiquer. Qu'est-ce que je dois communiquer ? Ah, tu me donnes ça, et je le mets simplement en forme graphique, et je dis... Voilà, je l'envoie via ce canal-là qui existe, via ce canal-là qui existe, via ça. Est-ce que c'est bon, ça te convient ? Oui. Ça, c'est le métier très facile. Je joue boîte aux lettres et je suis simplement une courroie de transmission d'informations. Je dirais que ça, c'est le métier de communicateur de base, permettez-moi, sans grande valeur ajoutée, qui fatigue très vite. Donc, quel est le vrai métier de communicateur ? C'est d'abord de poser à celui qui vous demande de communiquer toute une série de questions. Et les questions, c'est qu'est-ce que tu veux que je communique ? Quel est ton message ? Et tout en écoutant la personne exprimer son message, de se dire, ok, ça, c'est complexe ou pas complexe ? À quel site je vais le destiner ? Est-ce que ça concerne tout le monde ou partiellement certaines personnes dans l'organisation ? Donc, se poser déjà toute une série de questions. Qui est l'émetteur ? Est-ce que cette communication, elle va être faite au nom des ressources humaines et qui va endosser ? Vous savez qu'on a parlé la semaine dernière du rôle important de celui qui endosse la paternité de l'information. Donc, il faut demander à votre émetteur, c'est qui endosse ? C'est toi, c'est ton chef, c'est au nom de toute l'entreprise, au nom de votre département, qui endosse l'information ? Et ensuite, de se dire, à qui est destiné le message ? Et puis, de se poser la question... sur base de ce message, sachant qui va l'endosser et à qui il est destiné, quels sont les canaux et quelle est la stratégie de communication que je vais mettre en œuvre. Comment je vais faire passer cette information à mon public selon différentes formes. Première question aussi qu'il faut poser au demandeur, c'est, vous allez voir, la plupart des demandeurs vont vous dire, ah oui, il faut informer tout le monde. C'est tellement plus facile. J'ai une information, ah oui, il faut informer tout le monde. Parce qu'en disant qu'on informe tout le monde, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Ça, c'est dans la tête de beaucoup de gens. Le problème, c'est que si on fait ça, on inonde les gens dans une organisation sous l'information. Or, envoyer trop d'informations, ça fait qu'à la fin, les gens ne les lisent plus. Donc, première chose, c'est adéquation entre le message et la cible. Deuxième question, est-ce que tout ce qui est dans le message doit être dit et intéresse tout le monde ? Parce que vous pouvez avoir un contenu de message à géométrie variable. C'est-à-dire, pour telle tranche de public à l'intérieur, il faut donner tout, mais pour telle autre tranche de public, il faut donner qu'une partie de l'information. Parce qu'il n'est pas nécessairement pas qu'on veut cacher, mais parce que c'est inutile de les submerger. Je peux la présenter sous une forme très générale, et je peux la présenter sous une forme très spécifique. Donc, toutes ces questions, il faut se poser. Et il faut tenir tête aux demandeurs. Parce que c'est vous qui êtes responsable de l'information et de l'étape qui consiste à recevoir l'information et à la faire aboutir vers les cibles et les publics finaux, les utilisateurs finaux. Donc, c'est à vous à trancher. Et ce n'est pas si facile que ça à faire. Vous allez tous faire probablement des stages en organisation et en entreprise. Observez cet aspect-là si vous avez l'opportunité. Comment ça se passe ? Comment se fait le tri ? Est-ce que l'équipe communication que vous allez faire votre stage se borne simplement à recevoir une information et à la diffuser ? va la diffuser directement aux gens qui sont concernés. Donc, on ne va pas utiliser les canaux traditionnels d'information de toute l'entreprise. On va utiliser des canaux spécifiques. Et il y a un exercice de réflexion. On peut le faire par mail, on peut le faire par une multitude de formes qui permettent de cibler uniquement des publics pour éviter l'infobésité. On va aussi utiliser l'outil. Comment je vais faire pour sensibiliser? Est-ce que je veux vraiment beaucoup de réussite? Est-ce que je veux que les gens aient simplement lu et que le problème est résolu? Ou est-ce que je veux que les gens aient non seulement lu, mais adoptent le message, l'endossent, réagissent au message? Qu'est-ce que j'attends de mon public de l'autre côté? Si mon responsable de sécurité vient et me dit « J'ai un gros problème, Philippe. » Prends l'exemple de l'entreprise où je travaille. 1000 personnes, on travaille sur deux fluides très, très importants, l'électricité et le gaz. Dans les deux cas, ce sont des produits qui sont mortels. Mortels pour l'utilisateur, mortels pour les ouvriers qui travaillent là-dessus. Donc les règles de sécurité, c'est très important. Quand, il y a quelques années, le responsable sécurité vient chez moi et me dit « On a un gros problème, on a un problème avec les EPI. » EPI, équipements de protection individuelle. Ce sont des équipements de base de protection individuelle. C'est quoi? Quels sont les équipements de protection de base individuelle dans une entreprise qui travaille avec des produits dangereux? Oui? Un masque, des lunettes de protection, des chaussures de protection, des combinaisons dans un tissu spécial qui permet effectivement casque, lunettes, masque, comme ça on a dit, des bottes, des chaussures, des matières, des gants. Et il y a différents types de gants, des chasubles, quand on est sur un chantier, sur une voirie, il faut être vu, des chasubles pour être vu. Bref, toute une série de matériaux, et ça c'est ce qu'on appelle les EPI. Dans la plupart des grandes entreprises où il y a du personnel, où il y a des métiers, alors bien sûr, si vous allez chez BNP Fortis, vous n'avez pas besoin de chaussures de sécurité, vous avez besoin de casque. Peut-être qu'un jour, il en faudra quand les clients sont tellement furieux. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas besoin de se protéger de toute une série de choses. On va aller travailler normalement, etc. Mais, bon, voilà, il y a quand même des règles à faire. Et là, notre responsable dit, on a trop de petits accidents. Et quand on analyse les accidents, on fait ce qu'on appelle le rétroact, on fait la reconstruction pour voir la chaîne de causalité de l'accident, on découvre que les gens n'utilisent pas suffisamment et que donc beaucoup d'accidents auraient pu être évités si les gens avaient porté leurs équipements de protection individuelle. Il faut faire une campagne de sensibilisation là-dessus. Bien, on analyse avec l'équipe et on se pose la question, comment je vais faire passer le message? Qui est concerné? Et comment on va faire? Est-ce que c'est complexe? Il faut peut-être faire des aides-mémoires. Il faut peut-être pas simplement donner l'information aux gens, il faut leur donner un support pour que quelque part l'information reste, qu'il l'ait sous la main. Comment je fais pour la leur donner sous la main, pour qu'ils la conservent? Bref, tout ça, c'est un exercice de réflexion qu'il faut faire. C'est vraiment se poser la question, voilà, j'ai un EPI, les EPI, je dois communiquer, je dois sensibiliser et je dois sensibiliser. Oui, mais comment je vais sensibiliser la secrétaire de direction? Comment je vais sensibiliser le comptable au port des EPI, au fait de porter des équipements de protection pour des gens qui sont derrière un bureau et qui n'en ont pas besoin? Mais quelque part, c'est important parce que c'est toute une entreprise qui est construite, sa culture, sur la sécurité. Parce que si on veut que les travailleurs de terrain, qui eux sont, mettent leur vie en danger, soit sensible, il faut que dans toute l'entreprise, il y ait une culture de la sécurité. Et donc, eh bien, on va commencer à réfléchir. On a commencé à réfléchir. On s'est dit, mais au fond, ce serait peut-être bien aussi que les administratifs reçoivent une chasuble. Parce que les administratifs, ils viennent au bureau, parfois en vélo ou autrement. Eh bien, si quelque part, on dit qu'il y a aussi des EPI à titre personnel dans la vie, sur le chemin du travail, si vous venez en vélo porter une chasuble pour être vu, vous associez les administratifs dans des démarches et vous les associez à des mesures de sécurité qui sont appliquées à seulement une partie de votre personnel. Donc c'est fait. faire en sorte que la problématique du port des EPI devienne une problématique gérée par toute l'entreprise. Je pourrais me contenter de m'adresser qu'aux techniciens et aux gens qui mettent leur vie en danger ou qui ont besoin de ces outils de protection. Mais très vite, quand on a analysé avec le responsable de sécurité, on s'est aperçu, par exemple, que des tas de travailleurs, par exemple, les releveurs de compteurs. Les releveurs de compteurs, ils ne touchent pas à l'électricité, ils ne touchent pas au gaz. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un petit ordinateur portable et ils vont relever les compteurs de gaz et d'électricité. Ah oui. Mais c'était sans oublier que dans notre pays, contrairement à d'autres pays, les compteurs sont souvent où ? À la cage ou dans les garages. Et je peux vous dire, pour avoir accompagné nos releveurs de compteurs, que passer deux jours avec des releveurs dans les caves de Bruxelles, c'est quasiment une étude anthropologique. C'est quasiment, je pourrais faire un reportage à la Nicolas Hulot quand il faisait Ushuaïa, quoi. Il faut des masques à certains moments, tellement des bottes, des cirés, tellement les caves, ça va depuis des caves d'une propreté exemplaire, on mangerait par terre, à des situations qui sont quasiment aussi dangereuses que traverser un bayou rempli de crocodiles. Non, vous ne rigolez pas, hein, quand il faut bouger un espèce de lit de vieux sommier qui est couché sur les compteurs dans une ambiance où il y a des bêtes, des miasmes, tout ce que vous voulez, et qu'il faut aller bouger ce machin pour quand même arriver à lire le compteur et que vous êtes piqué par des puces des machins, de fusque descendre l'escalier et de passer à travers la marche parce qu'il n'y a plus personne depuis un an qui a massé et que l'humidité est telle que l'escalier est pourri, etc. C'est flagrant, il faut mettre une lampe, il faut qu'il y ait une lampe pour pouvoir voir où ils vont mettre leurs pieds, etc. C'est comme ça. Eh bien, en analysant, on a réussi à trouver une manière de vendre une campagne sur le port des EPI et d'en faire l'affaire de toute l'entreprise. En analysant simplement la causalité des accidents et en disant, tiens, mais comment on en fait une action ? Et donc, on discute avec son client et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Parfois, il faut dire non, ça n'intéresse pas tout le monde. Parfois, il faut dire oui, ça intéresse une partie, mais ce serait bien d'associer tout le monde, de faire en sorte que ça devienne une cause de l'entreprise. Que la sécurité, ça devienne une valeur fondamentale de l'organisation. Et donc, ça, il faut prendre en compte. Toute stratégie de communication liée à une demande se met dans un contexte, dans une culture d'entreprise, dans un contexte d'organisation avec les valeurs de l'organisation. Est-ce que jusque-là, tout ça vous semble clair ? Bon. Donc, on va définir le contenu, on va se poser les questions sur le contenu. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai tendance à restreindre les intentions des demandeurs, c'est-à-dire à leur dire, écoute, ton message, c'est très bien, c'est intéressant, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Mais si vous écoutiez les gens, tout intéresse tout le monde. Mais c'est souvent pas facilité que la réponse est « Ah oui, oui, on va informer tout le monde. » Mais je vous dis, si on informe tout le monde, systématiquement, plus rien n'est important puisque tout a la même valeur. Et vous inondez les gens d'informations et les gens ne lisent plus. Le problème que vous avez, vous le connaissez vous-même, c'est qu'on est inondé d'informations, même dans notre vie privée. On reçoit des mails, on a des copains qui ont des SMS, on est sur Facebook, on est sur Instagram et 36 000 choses. Vous êtes comme ça, c'est normal. Moi, de plus en plus, je m'implique quand même un petit peu maintenant, même sur mon smartphone. J'étais sidéré ce week-end, c'était un week-end un peu prolongé, de voir des collègues qui, je savais quasiment dire où ils étaient, ce qu'ils faisaient pendant tout le week-end. Ah, je suis à Paris, je vais manger là, je rentre dans tel magasin, j'essaye ceci. Tout est sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, etc. On sait tout savoir. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a une masse d'informations qui circulent. Et donc, ça, le problème, ça va être de gérer pour vous, pour vos générations. L'infobésité, ce n'est pas tellement dans le fait de donner trop de texte, c'est qu'il y a tellement de sources d'informations qu'il va falloir arriver dans le futur, pour les générations futures, ça va être d'aider les gens à faire le tri de ce qui est important et de ce qui est moins important. Comment est-ce que les gens peuvent rapidement détecter qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important ? Qu'est-ce qui me concerne vraiment et qui ne me concerne pas vraiment ? Donc, traduire, il faut le rendre plus sain. Et ça, c'est le rôle du communicateur. C'est de poser toutes ces questions et ensuite de fournir les réponses à son client. C'est nous qui devons travailler le texte pour le rendre plus intelligible aux différents publics. Il faut se poser aussi les questions, quel est l'effet attendu aussi? C'est pas tout de faire une communication, mais qu'est-ce que j'attends comme effet? Dans ma carrière, au début des années, c'était fin des années 90, une entreprise de 15 000 personnes, on avait un problème, c'est que le taux d'accident de travail, c'était un taux d'accident important, mais surtout sur des petits accidents stupides, mais qui généraient énormément de congés de maladie, donc des longues durées. Et le genre d'accident, c'est des coupures, des torques, de se tordre le pied, de se cogner, etc. Des chutes, et c'était ce qu'on appelle les chutes et glissages. Dans le métier de la sécurité au travail, c'est tout ce qui était le secteur chute et glissage. C'est le gars qui descend son camion et qui glisse en hiver parce qu'il y a eu de la glace, qu'il a les pieds boueux, ou qui remonte dans son camion, il a marché dans la neige et il est allé porter un truc au client. Il monte dans son camion, il met son pied sur la rame pour monter dans le camion, son pied glisse, pouf, chute et glissade, blessure, etc. Donc c'est tous les petits travaux, tous ces petits accidents qui découlent du fonctionnement. Et les chutes et glissades, c'est valable dans les bureaux, c'est valable partout. Donc il fallait sensibiliser. Bien, avec l'agence de communication, avec l'aide d'une agence de communication externe, on avait développé une campagne où on a volontairement créé une espèce de buzz interne à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait un acte j'ai utilisé, si vous voulez, des techniques de communication marketing de produits avec l'agence. On a fait un acte de guérilla dans l'entreprise. C'est une entreprise qui était répartie un peu partout dans le pays. Et on a été sur tous les sites, sans prévenir, en cachette, avec tous les gens de l'agence, les gens de l'équipe de communication, et on a fait un affichage sauvage. C'est-à-dire, on a fait comme si les gens avaient pénétré pendant le week-end ou pendant la nuit dans l'organisation. On a collé des autocollants sur les écrans d'ordinateur, sur les portes, sur tout, vraiment comme si les voyous étaient rentrés et avaient placardé. Quels étaient tous ces placards d'informations ? Non identifiable. On ne savait pas qui y avait. Ça pouvait. C'était tellement bien fait que le lundi matin, quand des gens sont arrivés partout dans l'entreprise aux quatre coins du pays, il y a eu tous les scénarios. C'est, d'abord, les gens sur le site croyaient que c'était quelqu'un qui était pénétré, qui avait fait quelque. Enfin, oui, qu'on était venu plaquer n'importe quoi, n'importe comment. Certains ont immédiatement cru que c'était les syndicats. On n'avait même pas prévu les directions des lieux de travail, quoi. Donc il y avait des usines, on n'avait pas prévu, on était rentré, on avait fait l'affichage. Quel était le message en gros? C'était une affiche, vous la porterez la semaine prochaine, c'était une grande affiche avec des petits autocollants, c'était Jeff Coppenole a eu un accident et il est là, c'était une photo de Jeff Coppenole un peu style comme les affiches dans les westerns où on recherche, etc. Donc il y avait Jeff Coppenole avec des bandeaux blessés. Et Jeff Coppenole en avait marre, il voulait que quelque part on soit plus attentif et qu'on laisse plus traîner les choses, parce qu'il en avait marre d'avoir des accidents. On a cru que c'était une campagne des syndicats contre le patron. On a fait ça. Pendant une semaine, la communication et l'agence, on a donné l'information. Même la direction générale ne savait pas. Ça a créé, j'ai dû à un moment donné prévenir le directeur général, parce que ça commençait à mal tourner. On commençait à dire on va appeler la police pour savoir qui avait mort. Donc on avait fait. Des camionnettes avaient été taguées avec des autocollants. Bon, c'était arrangé pour que tout s'enlève relativement facilement. Sauf que quelque part, l'agence n'a pas suivi les instructions et l'agence publicitaire a fait faire des autocollants. Alors, je peux vous dire que les autocollants ont été foutus, collés sur les écrans d'ordinateur. C'était comme les autocollants que la logistique ici du LB met quand vous vous garez sur une place qui n'est pas autorisée. Là. C'est le genre où il faut gratter pendant 2 heures pour enlever. Mais. Ça a eu un effet buzz colossal. Toute l'entreprise ne parlait que de ça. Pendant une semaine. Et dans la semaine suivante, on a repris la campagne, mais cette fois-ci endossée avec le logo de l'entreprise, et on a fait vraiment une sensibilisation. Je peux vous dire que pendant 6 mois, on n'a parlé que de ça. Et ça portait sur la problématique des chutes glissades, et bien sûr, on a fait une communication en rappelant aux gens toutes les choses qu'il faut faire pour éviter les accidents. Alors ça semblait ridicule, mais moi on en avait parlé, parce que si on était venu, qu'est-ce qu'on disait aux gens? Quand vous prenez un escalier, tenez-vous à la rampe. Puis la praline a dit de rappeler aux gens qu'il faut se tenir à la rampe. Oui, sauf que le problème c'est que la plupart des gens ne se tiennent pas à la rampe. Et que la plupart des gens maintenant prennent les escaliers avec leur téléphone, ils regardent, etc. Et puis bardage, comme on dit, hein, ils se cassent la gueule, et puis accident du travail. Mais il faut lutter, quand vous êtes employeur, vous devez vous battre contre les accidents. Vous devez vous battre contre les accidents. Et donc, l'objectif, c'est se tenir à la rampe, faire attention à ceci, faire attention à cela, ne pas laisser les dames, ne pas laisser se traîner le sac par terre à côté de son bureau, avec la lanière qui traîne, et puis un collègue passe, prend son pied dans la lanière et tombe. Bref, c'était toute une série de conseils bêtes, simples, comment mettre une caisse au-dessus, comment pour éviter tous les aspects chute et glissade. Bien, on a fait une campagne sur ce thème-là. Mais la manière de faire la campagne, ça a été de réveiller, si vous voulez, dans l'organisation et d'arrêter tout le ronron. Ce qui était très amusant, c'est que ce qu'on avait fait aussi, et ça c'était quand même très remarquable, parce qu'évidemment le responsable sécurité était très sceptique sur ma proposition. Il dit, mais enfin, on n'a jamais fait ça. D'habitude, on met des affiches et on les met sur les valves, là où les travailleurs sont censés voir. Et donc, pour convaincre mon collègue qui était responsable de la sécurité, j'ai fait enlever toutes les affiches de sécurité qui étaient posées sur tout le site, sur tous les sites de l'entreprise. J'ai fait enlever toutes les affiches de sécurité, toutes. Un mois avant qu'on fasse la campagne de communication guérilla dans l'entreprise. Ni les syndicats, ni qui que ce soit ne s'est plaint que tout d'un coup, toutes les affiches de sécurité avaient disparu. Ça voulait dire que personne ne les voyait, ces affiches, ou on ne les voyait même plus. Ça ne sert à rien, à certains moments, de communiquer sous certaines formes, si les gens le voient même plus. Parce que parfois, on croit qu'en communiquant, les gens ont compris, ont reçu le message. Oui, le message est là, mais personne ne l'a lu, personne ne l'a reçu. Et donc, non seulement on a pu répondre, parce qu'évidemment, il y a eu des remarques, des syndicats sont montés au créneau, il y a eu, ça a fait du bruit dans l'organisation pendant des mois. Et moi, j'ai pu prouver que l'action de guérilla qui a créé des problèmes, etc., mais qui a au moins suscité la discussion pendant une semaine, qui a fait que ça s'est prolongé, et c'était la preuve qu'on ne s'intéressait plus à la sécurité, puisque quand on enlevait les lieux où on communiquait sur la sécurité, personne ne l'avait vu. Même l'affichage dans les ascenseurs, les gens ne le voyaient plus. Vous allez dans les ateliers d'usine, et vous dites attention, produits chimiques, machin, il y a les affiches. Dans toutes les usines, vous voyez ce genre d'affichage. Mais les gens ne les voient plus. Et donc, ça ne sert à rien de communiquer par ce canal. Et donc, si à un moment donné, vous voulez sensibiliser le travail, il faut trouver le canal qui, tout d'un coup, va les mobiliser, va les surprendre. Et donc, il y a des stratégies. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. C'est comment je vais prendre le message, l'adapter, sous quelle forme je vais le mettre, qui va l'endosser, à qui je vais le distribuer, comment je vais le distribuer, à quel moment je vais le distribuer. Tout ça, c'est la stratégie. C'est répondre à toute cette série de questions. Et que ce soit pour faire une stratégie de communication interne, ou que ce soit pour faire une stratégie, je lance le nouveau iPhone 7, c'est la même chose. C'est toujours répondre à ces mêmes questions. Et vous, le communicateur, vous ne devez pas simplement vous contenter d'accepter ce qu'on vous demande de faire. Votre rôle est de capter cette demande, de l'endosser intelligemment et de réfléchir à quelle est la meilleure manière pour atteindre la cible. Et faire en sorte que non seulement l'information soit atteinte, mais qu'elle soit adoptée, qu'elle soit digérée et prise par les destinataires. Je vous propose de faire une pause. Et comme on est quand même une semaine un peu particulière, je m'arrêterai vers 6h30. Faites-moi ce week-end. Excuse-moi. Et donc, en fait, pour, si je retrouve ce week-end, en même temps que j'ai relevé que je vous ai promis, je vais essayer d'y penser. Je vais publier dans la partie Dropbox, là où je mets les documents, je vais essayer de publier le carnet d'une année antérieure, c'est-à-dire le carnet d'information. Ne prenez pas ce document comme étant le document formel, mais au moins vous aurez une idée de à quoi ressemble la fiche de présentation de sujet de mémoire, où on vous demande d'expliquer votre sujet, d'expliquer vos questions de recherche. Je constate qu'il y a des étudiants qui ne savent pas ce que ça veut dire une question de recherche dans un mémoire. C'est clair que le mémoire à l'université n'a rien à voir avec un TFE dans une école supérieure. On en discutait encore l'autre jour lors de la réunion avec les collègues de l'IEX, etc. Le mémoire à l'IEX et le mémoire à l'ULB, ce n'est pas du tout la même chose. Les exigences de la mémoire à l'ULB sont nettement plus élevées, non en termes académiques et scientifiques. Donc, il y a un sujet à définir, il y a une ou plusieurs questions de recherche à définir. Donc, je vais essayer de vous mettre ce document, au moins lisez ça, vous voyez déjà une idée de... Parce que vous prenez plancher sur des sujets de mémoire et on ne vous donne même pas déjà les fiches qu'il faut mettre. C'est de la folie. Quoi. Je renonce à comprendre comment cette organisation, cette maison fonctionne. Donc, je vais faire ça. Si j'y pense, je vous mets ça en ligne. Voilà. Je propose de prendre. Il nous reste une petite demi-heure. On essaie de terminer dans une demi-heure. Donc, est-ce que pour vous, jusqu'à présent, tout ce que j'ai exprimé depuis le début du cours, toute cette manière d'appréhender les sujets dans la communication interne, c'est clair? Il ne faut pas simplement se contenter d'être une courroie de transmission. Il faut être plus qu'une courroie de transmission. On n'est pas simplement, je reçois un message, je le mets en forme et je le diffuse le plus largement possible. Ce n'est pas ça la communication. C'est beaucoup plus complexe. Vous levez la main. Oui. De l'organisation, etc. Ah ben, ça, c'est toutes les questions que vous devez. Si vous êtes. Donc, très bonne question et très intéressante. Et c'est ce qui fait, évidemment, toute la complexité des métiers de la communication. Si je peux me permettre cette parenthèse, je pense que la question de mademoiselle est assez intéressante. Soit vous êtes, vous souvenez que vous avez parlé qu'on peut être communicateur embarqué dans l'organisation, ou on peut être communicateur extérieur à l'organisation, on fait appel à vous pour fournir les services. Vous avez notamment apporté les notions de embedded et pas embedded. Un peu comme on parle des journalistes embedded dans le journalisme militaire, où les journalistes sont embarqués dans l'armée et suivent l'armée, etc. Donc, quand on est dans l'organisation, on est communicateur, on connaît l'organisation. J'ose espérer que quand on fait ce métier-là, on connaît son organisation, on s'intéresse à comment elle fonctionne, comment elle vit, quelles sont ses valeurs, quelle est sa culture, etc. Donc, il est clair que quand je suis le communicateur à l'intérieur de l'organisation, j'ai une meilleure connaissance de l'organisation que si je suis un communicateur externe, travaillant dans un cabinet de consultance en communication et en relations publiques, où là, je vais travailler peut-être pendant 6 mois pour le client X, police fédérale, par exemple, et puis je vais aller travailler 6 mois après pour l'entreprise X, Caterpillar, et puis X temps après, je vais travailler pour Deleuze, et ainsi de suite. Et je vais passer dans des sujets et des sociétés très différentes. Comment, quand je suis communicateur externe, puis-je apporter dans la réflexion stratégique toute la connaissance, puisque je ne connais pas l'organisation de l'intérieur? Alors, première chose, si l'organisation est importante et qu'on vous êtes consultant extérieur, qu'on vous demande de contribuer, ça va être tout le travail des questions que vous allez devoir poser. C'est-à-dire, avant de vous lancer dans la réflexion stratégique sur le travail qu'on vous demande, d'abord comprendre l'organisation. Il va falloir poser des tas de questions. Donc, la première phase quand on est consultant extérieur, c'est s'imprégner de l'organisation. C'est d'abord glaner un maximum d'informations disponibles et puis ensuite, au sein de l'organisation, essayer d'obtenir tous les éléments d'information pour mieux comprendre. Et c'est clair que quand on est communicateur externe, on a beaucoup plus difficile à capter tous ces paramètres. Et qu'en plus, on va vous donner des paramètres qui ne sont pas nécessairement la réalité. parce que ce que M. X va vous donner n'est peut-être pas l'interprétation de ce que Mme Y pourrait vous donner. Donc, vous devrez faire un tri dans cette information. Mais en tout cas, quand on est communicateur externe, c'est un élément de complexité supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vous imprégner de toute la réflexion, de toute la culture et de tous les éléments indispensables pour avoir la stratégie la plus adéquate par rapport à l'organisation. Donc, quand on est extérieur à l'organisation, c'est beaucoup plus complexe, ça demande. Mais ça s'acquiert avec le temps, on apprend à poser les bonnes questions, on apprend à acquérir toute une série de choses. Mais de nouveau, il y a deux manières de faire le métier de consultant en communication externe. Je peux simplement être consultant, on m'appelle, on me dit il faut prendre cette information-là et il faut la diffuser à tel site. Et je dis, ah bon, ok, voilà, pour diffuser ça, je prends ça, je le mets en forme et quelle est la manière de la diffuser à telle personne? Ah, vous avez un journal d'entreprise? Ah, ben, je vais vous faire un article sur cette information-là. Ah, vous avez un site internet? Ah, ben, je vais vous faire une information pour un site internet. Et vous vous bornez à faire ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire, on vous demande simplement, vous prenez une information, ça, c'est le plus facile. Vous ne risquez pas de problème. Seulement, vous risquez de passer à côté de l'objectif. Vous risquez de ne pas atteindre l'objectif. Même les consultants extérieurs, et c'est tout là un consultant extérieur, c'est de poser les bonnes questions à l'organisation et éventuellement mettre le doigt sur les incohérences ou les difficultés. Et donc, il ne faut de nouveau pas accepter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un consultant extérieur va dire, vous me demandez de prendre cette information et de la diffuser à tout ça, je pense que cette information n'intéresse pas tout ce type-là. Et donc, je pense que, après avoir vu ce que vous me demandez de communiquer, je pense qu'il y a ça, ça, ça, ça, ça et ça qui est intéressant, et que peut-être ça, ces choses-là, c'est pour tel public et telle autre information, c'est pour tel autre. Vous pouvez simplement vous borner à ce que vous demandez votre client, avec le risque que ça passe ou que ça ne passe pas. Mais le vrai travail de communication, c'est celui qui consiste à analyser, à interpréter, à voir le message, à voir qu'est-ce qui intéresse qui réellement. Et si vous êtes capable de faire ça convenablement et intelligemment, vous verrez que vous serez vite apprécié par l'organisation et qu'on vous fera de nouveau appel à vous. Parce que vous réussirez votre communication. Toute communication et toute stratégie adaptée, bien conçue, passera beaucoup plus facilement. Mais ce n'est pas facile de dire à son client que ce n'est pas exactement ce qu'il demande qu'il faut faire. Mais ce n'est pas plus facile parfois à l'intérieur. Parce que ça dépend qui le demande. Si c'est le responsable sécurité, on peut encore discuter avec lui. Si c'est un directeur très important, bon, moi j'ai la chance d'être directeur de la communication et je siège au comité de direction. Donc je suis un directeur comme tous les autres. J'ai droit à la même parole. Et dans beaucoup d'entreprises, la communication ne se situe pas à une fonction de direction dans l'organisation. La communication est un sous-ensemble des ressources humaines, un sous-ensemble du marketing, un sous-ensemble du secrétariat général de l'entreprise, etc. Et donc, vous n'êtes pas nécessairement à égalité avec vos interlocuteurs. Mais très honnêtement, je vous dis, si vous faites une analyse sérieuse, si vous avez des arguments, si votre analyse est fondée et structurée, si elle repose sur des constats réels, sur des réflexions intelligentes, il faut le faire. Et il faut avoir le courage de défendre ces idées. Si après que vous avez exprimé vos idées, le client vous dit « Non, non, c'est très gentil, j'ai entendu ce que vous me dites, mais je veux quand même que vous fassiez ce que vous me fassiez. » Vous faites, évidemment. Il ne faut pas dire au client « Ah, non, si vous ne voulez pas le faire comme j'ai décidé, tant pis. » Vous n'irez pas loin, vous risquez d'avoir des gros problèmes de salaire, etc. Mais à un moment donné, il faut pouvoir oser s'affirmer dans l'organisation. Il faut montrer. Parce que, vous savez, la problématique avec la communication dans les organisations, c'est quoi? C'est que les patrons, c'est souvent quoi dans les entreprises? C'est souvent des ingénieurs, c'est souvent des juristes, c'est souvent des ingénieurs commerciaux. Bref, c'est des gens qui ont fait des grandes études importantes, etc., très compliquées. Et nous, les communicateurs, on a toujours tendance face à ces gens-là. Ils savent plus, ils sont plus grands, plus ils sont plus forts. Ok, oui. Et eux, comme ils savent qu'ils ont fait des études plus difficiles que tous les autres, ils sont toujours très arrogants et ils sont toujours convaincus que nous, les communicateurs, on fait des petits niquets. La communication, ça consiste à faire des petites illustrations, des petits dessins, des petites choses, et que finalement, on n'a pas fait des études très compliquées, etc. Donc, on va exécuter ce qu'il nous dit. On peut le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Mais vous allez vite vous embêter, ça je vous le garantis. Mais on peut aussi tenir tête en faisant fonctionner nos ménages. Et en conseillant les responsables, en disant, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas le faire en se traquant non plus. On est dans la discussion. Mais je pense que les communicateurs qui réfléchissent, qui font un travail de réflexion complète, qui analysent vraiment, qui n'ont pas peur de dire à certains moments, je pense que ce que vous demandez là n'a pas de sens, qu'il faut retravailler le message, qu'il faut réfléchir, qu'il faut s'adapter à son public, même en interne. C'est là que vous allez montrer que quelque part vous avez une valeur ajoutée. Parce que de premier abord, on est perçu comme des petites mains qui vont faire ce qui semble basique à la plupart des gens. Dans beaucoup de boîtes, on croit que la communication, finalement, et je vais être très violent dans ce que je dis, et le fait qu'il y ait beaucoup de filles accroît ça, beaucoup plus dans le métier. C'est le fait, elles aiment bien faire des belles photos, de belles mises en page, etc. Ça va passer. Et beaucoup de gens croient que la communication, c'est une affaire de mise en page et de bien diffuser. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas qu'un problème de mise en page et de. C'est un travail complet de réflexion, d'insertion dans une organisation et de comprendre. Et donc, très honnêtement, il faut s'affirmer. Il faut faire avec modération, progressivement, et il faut mériter le respect pour moi. Pas arriver en disant, moi je suis le king, je vais te dire comment il faut faire. Il faut arriver avec une certaine humilité, observer, entendre, analyser, et puis, progressivement, doucement, oser s'affirmer, en conseillant, en proposant. Il y a des structures très... Par exemple, dans les grandes organisations, quand on fait appel à des grands bureaux de communication externe pour des gros problèmes, c'est souvent quand il y a des situations de crise, des positions difficiles, on fait appel à des... Que font les patrons? Ah, il nous faut un grand bureau. Hein. Quel est le plus grand bureau de communication en Belgique, etc. Et plus l'organisation a un problème grave, plus elle est commerciale et elle est riche, plus elle va se payer le plus grand bureau. Et les plus grands bureaux, c'est souvent les patrons qui ont des grands gueules et qui ont... Alors, j'ai payé cher, j'ai pris le meilleur, donc je n'aurai que le meilleur comme travail. Faux. Totalement faux. C'est pas parce que j'ai payé cher, j'ai pris le bureau qui a plus de pignon sur rue, que je vais avoir la meilleure communication. Il y a des tas de bureaux, par exemple, qui vous proposent de faire la communication. On va passer en communication extérieure, je fais une petite parenthèse. Il y a des tas de sociétés, d'agences qui se proposent de faire la communication vers les médias. J'ai déjà discuté avec des étudiants qui ont été faire leur stage. Ça consiste en quoi? C'est des boîtes qui passent leur temps à avoir des listes de journalistes et de médias. Et quand un client vient, ah mais moi je vous garantis, hein, je vais informer 150 journalistes. Ils sortent une liste, regardez, j'ai 150 journalistes. Vous voyez, c'est bien. La liste ne tient pas la route, elle n'a pas de sens, elle n'est pas adaptée aux produits que vous devez vendre. Et le client et l'agence se fait payer, voilà, c'est 150 journalistes, c'est autant, voilà, et ça coûte autant. Et on a envoyé 150 communiqués à 150 journalistes et il y a deux articles qui sortent. Normal. On prend une liste et on croit que parce qu'on a fait une liste et qu'on a envoyé à tout le monde. C'est le principe, ce qu'on appelle le principe du carpet bombing. Je vais inonder le maximum de journalistes, il y aura bien là-dedans 3-4 qui vont faire un papier. Et après, je vais aller expliquer au client qui va dire, oui, mais enfin, je vous ai payé cher, là, il n'y a que trois médias qui ont parlé de mon problème. Monsieur, vous savez, c'est très compliqué maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Non, le problème, c'est qu'il faut connaître quel journaliste, à qui je m'adresse par rapport au sujet. Quelle est l'adéquation entre la matière étudiée et ma cible? Quels sont les journalistes que je vais cibler? Si j'envoie un nouveau parfum Chanel, j'envoie ça aux journalistes qui s'occupent de son spécialiste de l'automobile, c'est évident qu'ils ne vont rien écrire. Si je veux absolument que le soir parle de mon nouveau parfum, mais non, ce n'est pas le soir, un quotidien de l'ampleur du soir ou de l'ampleur de Morgan ou du Standard ne va pas parler d'un nouveau parfum et ne va pas faire un article pour lancer un nouveau parfum. Éventuellement, dans un supplément du journal Le Soir, qui n'a rien à voir avec la rédaction Le Soir, qui s'appelle le supplément Victor, Victoire, je ne sais plus, là, éventuellement, et ce n'est pas la même rédaction, ce n'est pas les mêmes équipes, et croire que je vais avoir un article dans, en première page ou en cinquième page du soir, une demi-page, pour vous dire que le nouveau parfum machin Chanel est ceci ou cela, réfléchissez une seconde, jamais vous n'avez vu un article comme ça dans le soir. Sauf si ce parfum a quelque chose de tellement inhabituel, exceptionnel et inhabituel, qui fait que alors l'article n'est plus sur le parfum, mais sur le caractère exceptionnellement nouveau ou original du produit. Ou éventuellement que, par exemple, dans, les, dans la rubrique Petit Potin à la fin du journal de soir, que effectivement votre parfum a été soutenu par Céline Dion, et alors effectivement on dira dans un petit 5 lignes que Céline Dion a soutenu le parfum, machin truc. Mais si vous voulez vraiment un papier sur un sujet, il faut adapter chaque fois votre message à votre public. Et c'est vrai que beaucoup de gens en communication croient qu'il suffit simplement d'inonder, de semer partout, et puis en lâchant le maximum d'informations au maximum de personnes, et il y en a bien là-dedans qui réagiront, etc. C'est pas bon, c'est pas comme ça. D'autant plus que tout le monde fait comme ça, et que donc il y a de plus en plus d'informations diffusées, et que les gens ne se trouvent plus dans ce paquet d'informations. Donc, à l'intérieur d'une organisation, il faut être capable de se positionner, et la question de mademoiselle était tout à fait, ou madame, était importante, puisque quelque part, effectivement, être à l'intérieur de l'organisation a une valeur ajoutée, c'est que vous connaissez parfaitement l'organisation. Être à l'extérieur de l'organisation a un des avantages, c'est que vous ne connaissez pas bien l'organisation. Mais néanmoins, je peux renverser les arguments. Travailler comme communicateur interne dans une organisation depuis 10 ans fait qu'à la fin, vous prenez des habitudes et des plis. Vous prenez des habitudes et vous ne vous remettez plus en question. Vous vous mettez dans un petit confort habituel de travailler toujours de la même manière. Et donc, vous pouvez passer à côté. Et de temps en temps, il faut accepter de se remettre en question et de revoir les choses. L'avantage d'un communicateur externe dans une structure comme ça, c'est qu'il vient avec un œil nouveau et qu'il va peut-être voir des choses que vous ne voyez plus et qu'il va peut-être proposer. Par exemple, vous parlez de la campagne sur la sécurité qu'on avait fait, cette campagne crash. Et moi, ce qui m'a séduit dans la proposition de l'agence, c'est que c'est l'agence qui est venue en disant il faut faire une rupture. Les gens ne voient plus l'information de sécurité, on va faire une rupture. On va créer un incident, on va bousculer l'organisation, on va la déranger dans son habitude. Et ça, ça m'a séduit. Et ça, je ne pense pas que j'y aurais pensé tout seul. C'est parce que j'ai une agence à l'extérieur qui m'a apporté cette vision et cette approche. Et qui m'a proposé d'utiliser des techniques qu'on utilise plus pour de la communication produit et de l'appliquer à une stratégie de communication à l'intérieur. Donc, les meilleures équipes, ce sont celles qui sont composées de communicateurs internes et de communicateurs externes. Ça, c'est comme ça qu'on peut arriver. Et donc, éviter. Moi, par exemple, dans mon équipe, je dois me battre, même encore régulièrement, pour oser dire non, on ne va pas faire comme ça. Oui, mais enfin, Philippe, c'est comme ça qu'on fait depuis 10 ans. Ben oui, c'est pas parce qu'on fait depuis 10 ans qu'on va continuer à le faire comme ça. Se remettre en question tout le temps. Ça aussi, c'est une des qualités fondamentales qu'on doit avoir en société. Se remettre en question. Ça veut dire aussi que dans toute stratégie de communication, à la fin de la stratégie, il faut toujours prévoir une évaluation. Est-ce que la stratégie que j'ai mise en œuvre a porté ses fruits ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ça, c'est aussi la manière d'évaluer la chose. C'est faire l'évaluation. Est-ce que ça a marché ? Ça n'a pas marché ? Et on va revenir là-dessus. Ce sera un des éléments qu'on abordera au prochain cours. Et on va parler de toute la problématique de l'audit. Comment on fait un audit pour vérifier que la communication fonctionne bien. Et donc, on va, par ce biais-là, aborder toute la problématique d'être capable de, à chaque occasion, il faut presque refaire l'exercice. À chaque fois qu'on vous demande de communiquer, à chaque fois que quelqu'un vous demande de faire à l'intérieur, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais communiquer, à qui je vais communiquer et par quel canal. Et est-ce que c'est la bonne chose? Et se souvenir, ah tiens, quand on a fait ça la fois passée, ça n'a pas marché pour telle et telle et telle raison. Est-ce que dans ce cas-ci, ça pourrait se reproduire, oui ou non? Donc, il faut construire une histoire et acquérir un nouveau. L'avantage des communicateurs externes, puisque madame parlait bien de cette distinction entre les communicateurs embarqués et les communicateurs en agence extérieure, c'est que les externes, évidemment, c'est plus compliqué, c'est difficile. difficile de se plonger dans la culture et dans la mentalité d'une organisation qu'on ne connaît pas. Mais par contre, on a l'avantage, c'est qu'on voit des tas d'organisations différentes, parce qu'on a des tas de clients différents. Et donc, on peut voir, ah tiens, ça, ça a marché là, on peut peut-être essayer là, etc. Tandis que quand on est dans l'organisation, on a un avantage, c'est qu'on connaît très bien l'organisation, mais on a un peu tendance, quand on est dans l'organisation, à être dans une situation de confort et à reproduire ce qu'on a déjà fait et qui a réussi la fois précédente. Et c'est pas parce que ça a réussi une fois que ça va réussir. Donc, se poser des questions et sans arrêt se remettre en question. Alors, je voudrais juste quand même terminer par deux éléments. Donc, je vous ai parlé de communication top-down, c'est la communication essentielle, c'est celle qui part d'en haut dans l'organisation et vise à faire passer les messages dans l'organisation. C'est de tenir compte de à qui on confie la manière de communiquer à l'intérieur et de ne pas oublier que les gens sont des filles. Donc ça, bien prendre en compte cet aspect-là. Ce que je voudrais aussi que vous preniez en compte, c'est que quelque part, j'essaie de retrouver, j'avais noté un point que je voulais soulever avec vous. Alors, évidemment, il ne faut pas s'en faire, voilà, c'était ce point-là. C'est que chaque stratégie qu'on va développer ne doit pas être systématiquement diamétralement opposée aux stratégies antérieures. Quelque part, je vous rappelle, que je vous ai dit aussi, c'est que quand on développe une culture de communication dans une organisation, on essaie de quand même garder un cap. On ne change pas de stratégie de communication systématiquement tout le temps. On ne change pas les messages systématiquement tout le temps. Donc si on prend un chemin de traverse à un moment donné, il va falloir l'expliquer, le justifier, et il va falloir aussi expliquer pourquoi on a pris ce chemin de traverse, mais qu'il y a quand même un lien avec la stratégie globale de l'organisation. Donc il va toujours falloir essayer de réfléchir à ce qu'il y ait adéquation avec la stratégie globale de l'organisation. Il va falloir également vérifier que, quelque part, on ne met pas en péril, par certaines actions, la stratégie globale de l'organisation. On me demande de faire une communication à un moment donné sur un problème. Je ne peux pas développer ce que je veux totalement, puisque quelque part, j'ai une stratégie globale de l'entreprise. Alors, il faut aussi, à certains moments, effectivement, être capable de mesurer les choses. Et donc, en communication interne, il faut savoir qu'il y a une expression en flamand que j'aime beaucoup, qui dit « meten is weten ». Mesurer, c'est connaître. Je ne sais pas si je suis clair. C'est que quelque part, si je peux mesurer les choses, quantifier les choses, je peux analyser, vérifier les résultats de ce que je fais. Ça peut sembler compliqué parce qu'en communication, on joue sur des valeurs. C'est difficile de mesurer des valeurs, de mesurer des stratégies de communication. C'est beaucoup plus facile de mesurer combien de clients m'ont appelé. C'est beaucoup plus difficile de savoir combien de membres du personnel ont reçu le message et comment l'ont-ils reçu. Et donc, il faut pouvoir mesurer. Je ne peux pas interroger tout le monde tout le temps. Dans une organisation de 1000 personnes, je ne peux pas chaque fois lancer des sondages ou des enquêtes à tout le personnel. Et il faut savoir aussi que les enquêtes en interne rencontrent souvent très peu de succès. Et dans la technique où je lance des enquêtes, qui sont ceux qui répondent? C'est souvent les coupeurs de champ 4, c'est souvent les râleurs insatisfaits, c'est rarement ceux qui ont perçu le message, mais ont beaucoup de boulot et ont des choses à faire. Donc, bref, on crée des biais, on crée des problèmes, et donc l'enquête n'est pas le seul canal de mesure. Mais essayer de mesurer, c'est quand même important. Donc, il faut pouvoir s'entourer d'éléments qui peuvent vous aider à comprendre. Si vous vous souvenez, au début du cours, je crois que c'était lors de la première leçon, j'ai dit que ce qui était très important en communication aussi, c'est avant de communiquer, c'est d'abord d'entendre, d'écouter. Et la première compétence qu'un communicateur doit avoir, c'est d'être capable d'écouter, de laisser traîner ses ses oreilles et à sa capacité d'éponge pour sentir ce qui est dans l'entreprise, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous des filtres. Et que quelque part, une information va me sembler un point sensible alors que peut-être à vous, ce ne le sera pas. Donc, ce qui est important dans une organisation, c'est de pouvoir mesurer en essayant d'avoir des espèces de témoins, de gens qui peuvent régulièrement vous faire part de comment ils ont reçu l'information, comment ils ont compris l'information. Et donc, ça, c'est de temps en temps de rassembler ces gens. On appelle ça, en général, et moi j'aime bien l'expression « clangbord » in the Netherlands. Clangbord, c'est un... Comment est-ce que je pourrais traduire ça ? Clangbord, c'est un... espèce de chambre d'écho, si vous voulez. C'est quelque part un amplificateur de ce qui se dit, quelque part. Et donc, c'est d'avoir des gens qui sont des témoins et qui vont accepter d'essayer de faire part de leur réaction, de leur compréhension par rapport à ce qui s'est passé, à la communication, à la stratégie, à la campagne de communication que vous avez fait en interne, et qui vont vous dire comment eux ont réagi, comment ils ont perçu, à la fois sur le contenu, à la fois sur la forme, à la fois sur le canal pris, sur l'émetteur de l'information. Poser des questions à une série de gens qui ne doivent pas être vos copies, parce que la problématique souvent dans les organisations, c'est qu'on interroge des gens, mais on interroge souvent ceux qu'on connaît. Et malheureusement, ceux qu'on connaît, c'est ceux avec lesquels on a des affinités. Et donc là aussi, on crée un biais. Donc, quand on constitue un clanbox, c'est un groupe doit être le plus représentatif de ce qu'est l'entreprise. Mais pas un groupe constitué des gens que vous connaissez qui sont vos copains. Il faut faire l'exercice fondamental d'essayer de trouver des gens improbables que vous ne connaissez pas et qui acceptent quelque part de vous faire part de leur analyse. Il faut que ce soit le plus diversifié. Des niveaux hiérarchiques différents, des âges différents, des métiers différents, des gens qui ont des cultures, des gens qui sont dans la boîte depuis 20 ans avec des gens qui viennent y rentrer, des jeunes, des vieux. Donc tout le monde n'a pas la même approche. Et donc, essayer d'avoir un clangbord qui soit le plus diversifié, et surtout avec des gens qui sont les plus spontanés et qui acceptent de vous faire part de leur interprétation. C'est pour moi la meilleure manière de mesurer le résultat de vos actions. Alors, vous n'allez pas pouvoir le mesurer en disant j'ai atteint 80%, etc. Hein, vous n'êtes pas dans la technique que vous utilisez beaucoup en communication publicitaire et communication marketing. C'est ce qu'on appelle le fameux ROI. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, le ROI? Le return on investment, hein, c'est-à-dire j'ai investi autant en communication et ça m'a rapporté combien? Avec un clangbord, vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Et en communication interne, c'est très difficile de faire du return on investment. J'ai investi autant en communication pour faire passer tel message, mais qu'est-ce qui est passé réellement et qu'est-ce que ça apporte? En plus, les résultats se mesurent pas de manière difficile et tout ne se récolte pas immédiatement. En stratégie de communication interne, on construit sur la durée et sur l'avenir. Donc, il faut pouvoir mesurer régulièrement quelque chose. Donc, si on utilise une nouvelle technique, si on développe un nouveau journal, si on développe un nouveau site intranet, si on développe des environnements nouveaux, il faut pouvoir les mesurer périodiquement et surtout voir dans la durée si ça se prolonge. Bien sûr, autre élément, c'est que chaque organisation n'a pas tous les moyens qu'elle veut. Et donc, je ne peux pas choisir toutes les techniques et toutes les technologies de communication à l'intérieur d'une organisation. L'oral, l'écrit, l'audiovisuel, ce sont des méthodes qui ont des coûts très différents. Faire une vidéo, une animation audiovisuelle, c'est un coût. C'est un coût plus élevé que faire simplement un mail. Le mail, c'est aujourd'hui plus direct. L'affichage digital, l'information sur un blog ou sur éventuellement même un réseau social interne à l'organisation, c'est le plus facile. C'est le moins coûteux, c'est vite fait, mais ça ne permet pas nécessairement de développer. Par exemple, vous imaginez bien que c'est... Imaginons qu'il y ait un réseau social à l'intérieur du groupe Caterpillar, c'est pas... par réseau social que vous allez informer les gens sur le plan de licenciement de l'usine et de la fermeture de l'usine. Vous n'allez pas travailler de cette manière-là. Ça, c'est bien pour faire vivre certaines choses. Il y a aujourd'hui des outils. Je pense que les travailleurs ne sont pas prêts aujourd'hui à recevoir par SMS ou à recevoir sur un média social interne qui sont par exemple Workplace ou Yammer. C'est pas par ces outils-là que vous allez pouvoir communiquer. C'est pas non plus sur un internet que l'on va lancer des campagnes fortes et de sensibilisation. Les intranets, c'est plus des lieux de stockage de l'information. Donc il faudra adapter et choisir les moyens adaptés à l'organisation. Il y a le budget aussi. Est-ce que l'organisation a les moyens de se payer certains outils de communication? Et puis, atteindre le public. Je vous rappelle aussi que la tendance aujourd'hui, c'est de croire qu'avec les médias de communication digitaux, on joint tout le monde. Je vous rappelle que toutes les caissières chez Deleuze ou chez Cobalt n'ont pas nécessairement accès à l'informatique de l'entreprise. Je pense que chez Colreuil, ils ont fait une démarche, c'est qu'ils ont offert des ordinateurs et des boîtes aux lettres mail aux gens de Colreuil, à tous leurs travailleurs. Mais c'était une stratégie et une volonté de l'entreprise, c'est-à-dire de faire partager à tous les travailleurs l'accès à l'information sous forme digitale. Ça n'a pas été facile à l'époque, parce que quelque part les syndicats ont dit, oui, mais vous donnez un ordinateur, c'est facile. Et ça veut dire que vous allez communiquer avec le personnel quand il est chez lui à la maison, parce que l'ordinateur travailleurs se trouvent à la maison, ça veut dire qu'on va travailler, vous allez demander au personnel de s'impliquer pour l'organisation en dehors de ses heures de travail. Et que donc, quelque part, vous êtes, les syndicats ont dit, ça c'est pas normal. C'est sûr. Et donc, les syndicats ont essayé de négocier des défraiements, etc., en disant, ah, quelque part, vous allez réduire le temps de travail tel jour à hauteur d'une demi-heure parce qu'on considère que chaque semaine, le travailleur reçoit doit lire chez lui à la maison des informations et des messages, et ça équivaut à une demi-heure de travail. Donc voilà le genre de discours et de difficultés qu'on peut avoir. Donc tout ça est important et à prendre en compte. Et donc, les mises en garde que je vais quand même dire, c'est de vous rappeler, c'est que l'excès d'informations nuit à la communication, c'est les derniers points que je vous donne. Et surtout, ça nuit, l'excès d'informations nuit à la compréhension. Que plus les outils de communication sont rapides, plus lent est le niveau de compréhension des récepteurs. Et ça a fait l'objet d'études. Ça a fait l'objet d'études scientifiques. Au plus on a des outils de communication rapides, au plus on s'aperçoit que l'information ne pénètre pas et n'est pas comprise. Oui, ils ont entendu quelque chose. L'ont-ils assimilé? Assimilé, ça veut dire, est-ce que j'ai pris l'information et j'en tiens compte? Oui. Ce n'est pas tout de savoir quelque chose, mais est-ce que je l'ai compris et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Là, des études montrent que plus on utilise des outils de communication rapide, au moins donc, le niveau de compréhension est important. Autre élément, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, la communication électronique n'est pas un nouveau mode de communication. La communication électronique, pour moi, n'est jamais un nouveau support pour produire de l'écrit, de l'oral et de l'audiovisuel. C'est un autre support que le papier ou que le carton. C'est un autre support que l'écran. C'est l'avantage du digital, l'avantage de la communication électronique, c'est que je peux combiner trois types de communication, mais ce n'est jamais qu'un support. Parce qu'il faudra toujours faire de l'écrit, il faudra toujours faire de l'oral, il faudra toujours faire de l'illustration de cette communication. Par contre, la communication électronique ouvre la voie à l'hyper-personnalisation des messages, à l'interactivité de la communication. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous rappelle que dans une organisation, on connaît beaucoup plus précisément chaque individu qui la compose. Alors que quand je m'adresse au marché, au monde extérieur, je ne connais pas les gens, je ne sais pas qui ils sont. Je croise des gens dans la rue, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ici, moi, maintenant, je ne connais pas le nom de chacun, mais j'ai reçu les listes, et donc je sais vous adresser un mail à chacun. Et à la limite, je pourrais presque dire, ah ben celle-là, elle a un prénom d'origine espagnole, je vais m'adresser à elle en espagnol. Surtout, je dis n'importe quoi. Voilà. Et j'ai toute une série d'informations sur vous. adresse mail ULB, je sais que certains ont doublé, je sais que certains ont 15 crédits encore à prendre en baccalauréat, etc. Donc j'ai toute une série d'informations. Je pourrais encore aller voir les notes que vous avez lues, etc. Donc je sais plein de choses, et donc forcément je peux communiquer avec vous d'une autre manière. Donc la communication électronique ouvre la voie à une personnalisation des messages, à l'interactivité de la communication, à la sécurité et à la disponibilité en temps réel des informations. Ça, c'est évidemment l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire en temps réel. On peut presque communiquer partout, presque pour tous, à tout moment, et, cerise sur le gâteau, au moins tout le monde. Parce que la communication digitale n'est certainement pas la plus coûteuse des communications. Tout ça, c'est très bien. Mais évidemment, si je dois communiquer un message particulier à chaque personne, moi dans la boîte où je travaille, si je dois faire des 1000 personnes, si je dois adapter la communication à chacune des 1000 personnes, imaginez le volume de travail que ça présente. On ne peut pas évidemment aller jusqu'au signe. Mais on sait, grâce à toutes les informations, structurer, segmenter ce qu'on appelle ses publics. Et éventuellement, lorsqu'on est face à des messages complexes, décliner ces messages selon le niveau d'aptitude à la compréhension de la complexité qu'ont les différents publics à l'intérieur de l'organisation. Ça va ? Termine là-dessus. Aujourd'hui, je vous souhaite un bon congé la semaine prochaine pour toutes les autres entreprises. Et vous connaissez sur le blog, comme j'ai conclu, que je veux toujours 3 étudiants par groupe.